À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du dirigeant Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les séances de films ont eu lieu le 9 et 11 juin en Éthiopie, au Pérou et en Malaisie. Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée en présence du respecté camarade Kim Jong-un et autres documentaires coréens ont été projetés. Les personnalités et les habitants des pays hôtes y ont assisté.